chemin où je vais. Tous les jardins portent des fruits, tous les matins bénis de pluie. Par le chemin où je vais, tout arbre se penche et murmure que l'on a amolli les murs. Le ciel est une voûte en arceau qui fait un nid pour les oiseaux. La terre est le plus doux berceau de l'aigle jusqu'au vermisseau. Le ciel est une voûte en arceau qui fait un nid pour les oiseaux. La terre est le plus doux berceau de l'aigle jusqu'au vermisseau. Par le chemin où je vais, le prophète a le don de dire les plus impérissables choses. Par le chemin où je vais, le poète a le goût de mourir avec la périssable rose. Le ciel leur fait un ciel de lit. On ne chante aucun alali, mais une ode à la connaissance. Le lendemain, tout recommence. Le ciel leur fait un ciel de lit. On ne chante aucun alali, mais une ode à la connaissance. Le lendemain, tout recommence.